Il y a des morceaux qu'on écoute une fois, puis qu'on oublie presque aussitôt. Et il y a d'autres morceaux qui font basculer quelque chose. Pas seulement dans une playlist, pas seulement dans une époque, dans une manière de jouer, de chanter, de produire ou même de penser la musique. Aujourd'hui, je t'emmène sur l'un de ces titres-là. Un morceau qui a laissé une trace, un morceau qui a ouvert une porte, un morceau qui, à sa sortie, a fait plus que remplir les baffles. Il a déplacé les lignes. Le titre du jour, c'est Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Je suis à peu près sûr que tu connais ce morceau. Il sort en 1991 dans un contexte où la scène rock commence à changer de visage. Et ce qui frappe tout de suite, c'est que ce morceau ne cherche pas seulement à faire comme les autres. Il arrive avec une identité très nette, un son, une attitude, une manière d'occuper l'espace. Quand on l'écoute aujourd'hui, on entend peut-être une chanson banale. Mais à l'époque, beaucoup y ont entendu un signal. D'ailleurs, tu peux l'écouter sur Bissoy régulièrement, dans les émissions ou même en rotation quotidienne. Pour comprendre pourquoi ce morceau compte, il faut revenir à son époque. On le rappelle, nous étions début 90. Et au début des années 90, justement, la scène rock est en mouvement. Les styles se croisent, les groupes cherchent à se distinguer, et le public a soif de quelque chose de plus direct, de plus fort ou simplement de plus vrai. Smells Like Teen Spirit arrive pile dans cette tension-là. Il reprend certains codes du rock, mais il les pousse un peu plus loin. Il simplifie parfois, il durcit parfois, il accélère parfois, ou au contraire, il installe une tension qu'on n'entendait pas autant avant. Et c'est souvent là que naissent les titres importants, quand ils ne se contentent pas d'être bons, mais qu'ils donnent l'impression d'ouvrir une voie. La preuve, plus de 30 ans plus tard, dès qu'on entend les premières notes de ce morceau, forcément, ça nous dit quelque chose. Et je suis à peu près sûr que tu as déjà entendu ce morceau, mais je te le passe tout de suite, car on ne dit jamais non à du bon son. et à une histoire célèbre autour de ce morceau. Son titre vient d'une phrase griffonnée par une amie de Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana. Cette amie s'appelait Kathleen Anna, après avoir parlé d'un déodorant appelé Teen Spirit. Cobain ne sait pas immédiatement ce que cette phrase signifie, mais il aime sa sonorité, son énergie, son côté presque absurde. Et finalement, ce détail devient l'un des titres les plus reconnaissables de toute l'histoire du rock. Et ce n'est pas qu'un clin d'œil amusant. Ça raconte aussi quelque chose du morceau, une sorte de mélange entre spontanéité, tension et évidence. Comme si la chanson avait trouvé sa forme avant même que tout le monde comprenne ce qu'elle représentait. Ce parfum, ce déodorant, s'appelait donc Teen Spirit, et le titre du morceau c'est Smells Like Teen Spirit. Si on veut traduire, ça donnerait quelque chose comme sent comme l'esprit adolescent. Voilà. Ce morceau a compté parce qu'il a fait bouger plusieurs choses à la fois. D'abord, il a marqué les auditeurs. Ensuite, il a influencé d'autres musiciens et surtout, il a contribué à faire entrer une esthétique plus brute, plus nerveuse et plus directe dans le grand paysage du rock. Il a pu inspirer une façon de jouer de la guitare, une manière de poser la voix, une approche plus brute du son ou tout simplement une attitude. Et c'est là qu'on comprend pourquoi certains titres deviennent des repères. Ils ne sont pas juste connus, ils sont devenus utiles à l'histoire du rock. Chez Bisoy, hein, tu le sais, c'est exactement ce qu'on aime raconter. Les morceaux qui bougent, les morceaux qui marquent, les morceaux qui ont une personnalité assez forte pour traverser le temps sans perdre leur impact. Parce qu'au fond, un bon morceau rock, pop, punk ou encore grunge, ce n'est pas seulement un bon son. C'est souvent un moment précis où une idée a trouvé sa forme la plus efficace. Dans le prochain épisode, on ira encore plus loin dans l'histoire du son. On parlera peut-être d'un lieu ou d'une scène ou encore d'un objet qui a aussi participé à écrire cette histoire musicale. En attendant, garde une idée en tête. Les morceaux les plus importants ne sont pas toujours ceux qu'on écoute le plus fort. Ce sont souvent ceux qui changent quelque chose en silence dans notre façon d'écouter. À très vite pour un nouvel épisode de Dans les coulisses du son et en attendant, c'est comme d'hab, soit. Sens, vibre, be, feel, vibrate, car Bisoy, c'est LE son qui bouscule les codes.